Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah ma'bad. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne la niya, l'intention de jeûner. On lit le hadith numéro 6. Wa an Hafsa al-mu'minin, radiyallahu anha, anna an-nabi alayhi salatu wa salam qal, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, fala siyam lah. Hafsa al-mu'minin, la mère des croyants, qui est un titre qui est donné aux épouses du prophète, alayhi salatu wasalam, rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de siyam. Ce hadith est mawquf, c'est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête avant le prophète alayhi salatu wasalam. Walid Daraqutni, la siyam liman lam yafrid min al-layl. Daraqutni rapporte: pas de siyam pour celui qui n'en a pas l'intention pendant la nuit. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ عائشة rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام entra chez elle un jour et demanda: y a-t-il quelque chose à manger؟ فقلنا لا. Ils dirent non. فقال فإني إذن صائم. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: فإني إذن صائم. Alors ici le fa, on reviendra dessus, à une importance. On va revenir sur l'importance du fa. Le fa en arabe indique une cause, une raison. Donc ici le prophète alayhi salatu wasalam a dit: alors dans ce cas je jeûne. Thumma atana yawman akhar. Puis le prophète alayhi salatu wasalam revint un autre jour. Fa qulna hudiya lana hays. Donc une fois le prophète est revenu et Aïcha lui dit qu'on leur avait offert du haïs. Le haïs est un plat à base de dattes, de beurre et de fromage. فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: montre-le-moi car je jeûne depuis ce matin. Et il le mangea. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ici, on va s'intéresser à la niya. Alors, tout premièrement, est-ce que la niya, l'intention, est une condition pour jeûner? La réponse est que le siyam n'est valable qu'avec la niya, qu'avec l'intention. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon leur intention. Donc, il faut placer son intention pour Allah lorsqu'on accomplit le siyam. La deuxième question est: faut-il spécifier quel siyam obligatoire on a l'intention d'accomplir? Ici, on parle de siyam obligatoire. La majorité des savants est d'avis qu'il faut spécifier quel siyam obligatoire on a l'intention d'accomplir. Par exemple, on doit avoir l'intention d'accomplir des jours obligatoires dans Ramadan, ou alors des jours obligatoires dans Ramadan qu'on a ratés et qu'on rattrape, ou alors des jours obligatoires de siyam dus à une expiation ou autre. Donc, il faut spécifier quel siyam obligatoire on a l'intention de faire. C'est l'avis de la majorité des savants. Et d'autres savants comme Abu Hanifa ont dit qu'il suffit de placer une niya générale, une niya, une intention générale. Mais l'avis le plus juste est le premier avis. Donc il faut spécifier quel siyam obligatoire on a l'intention d'accomplir. La question suivante est la même question, mais en ce qui concerne siyam at-tatawwu', c'est-à-dire les jours supplémentaires qu'on a l'intention d'accomplir. Faut-il spécifier quel siyam non obligatoire on a l'intention d'accomplir ou pas? L'imam Nawawi a expliqué qu'en ce qui concerne le siyam non obligatoire, le siyam surérogatoire, eh bien, il suffit de placer une niya, une intention générale. Mais par contre, en ce qui concerne certains jours particuliers, il faut placer, il faut spécifier son intention. Par exemple, si la personne a l'intention de jeûner le jour de Ashura, ou bien de Arafa, ou le lundi et le jeudi, ou Ayyam al-Bid, les trois jours du milieu du mois ou autre, alors dans ce cas-là, il faut spécifier son intention. La question suivante concerne tabyit niya fi siyam al-fard. Tabyit vient de bayyita yubayitu, qui signifie le fait de décider quelque chose pendant la nuit. Alors, faut-il avoir l'intention pendant la nuit d'accomplir un siyam obligatoire ou pas? La majorité des savants, parmi l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et d'autres, est d'avis qu'il faut obligatoirement placer sa niya pendant la nuit pour accomplir un siyam obligatoire. Ils se sont basés sur le hadith de Hafsa, qu'on a lu au début, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de siyam. On a vu que ce hadith-là était mawquf. Mais ils se sont basés sur d'autres preuves, comme la parole du prophète alayhi salatu wasalam, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon leur intention. Et l'imam Abu Hanifa est d'avis qu'il est permis de placer sa niya, son intention, qabl zawal, c'est-à-dire avant le zénith, pendant la matinée, en ce qui concerne le siyam de Ramadan, et également lorsqu'on fait le vœu d'accomplir des jours de siyam. Il s'est basé sur un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit aux compagnons, en ce qui concerne le jour de Ashura, alors le jour de Ashura, on le rappelle, était obligatoire au départ. Il leur a dit, « Man kana sa'iman falyutimma sawma » que celui qui n'a pas encore mangé, jeûne. « Wa man kana akal falyutim baqiyata yawmi » et que celui qui a déjà mangé, jeûne le reste de la journée. Donc ils ont dit qu'ici, les sahaba n'avaient pas placé leur niya, leur intention, la veille. Et pourtant le prophète, alayhi salatu wasalam, leur a dit d'accomplir le siyam. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que l'avis le plus juste était le premier avis, qui est qu'il faut placer sa niya pendant la nuit. Et les savants ont expliqué le hadith qu'on vient de lire. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a expliqué qu'en fait, eh bien, les sahaba, les compagnons, ne savaient pas que ce jour-là était obligatoire. Ils n'ont su que ce jour-là était obligatoire que pendant la journée. Le prophète ne leur a ordonné de jeûner ce jour de Ashura que pendant la journée. Donc il était impossible de retourner dans le passé pour qu'ils placent leur niya la veille. Donc voilà l'explication à ce hadith. L'obligation de jeûner le jour de Ashura n'est parvenue que pendant la journée. Ils ne le savaient pas la veille. Voilà pourquoi ils n'ont pas placé leur niya, leur intention la veille. Voilà l'explication à ce hadith-là. L'imam al-Nawawi a cité que ce cas-là était semblable à celui des gens de Quba. Les gens de Quba qui n'ont su que l'orientation avait changé que pendant la journée. Ils n'ont su qu'il fallait se tourner vers la Kaaba que pendant la journée. Donc certains étaient en train d'accomplir la salat et quand ils l'ont su, quand ils l'ont appris, eh bien ils ont changé de direction immédiatement et ils se sont orientés vers Al-Kaaba. Donc ils ont dit que ces deux cas-là étaient semblables. La question suivante est, en ce qui concerne un siyam non obligatoire, faut-il avoir l'intention pendant la nuit d'accomplir ce siyam qui n'est pas obligatoire le lendemain ou pas? La majorité des savants est d'avis que cela n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'avoir l'intention pendant la nuit d'accomplir un siyam non obligatoire le lendemain. Ils ont dit qu'il était permis de débuter le siyam, d'avoir l'intention d'accomplir le siyam le lendemain, pendant la matinée, à condition, bien sûr, de n'avoir rien mangé ni bu. C'est l'avis, entre autres, de l'imam Ahmed, de Shafi, d'Abu Hanifa et d'autres. Ils se sont basés sur le hadith qu'on a lu, où le prophète, alayhi salatu wasalam, s'est rendu chez Aïcha, radiallahu anha, et lui a demandé, y a-t-il quelque chose à manger? Et lorsqu'elle répondit qu'il n'y a rien à manger, il a dit, alors je jeûne. Donc ils ont dit qu'il était permis de débuter le siyam sans avoir l'intention pendant la nuit d'accomplir ce siyam-là. On parle d'un siyam non obligatoire. Ils ont dit ici que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, fait inni sa'im. Alors le fait, comme on a dit, a une importance. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit que le fait en arabe, eh bien, tufid al-sababiyya wa al-illa. Il a expliqué que le fait exprimait la cause, la raison. C'est comme s'il avait dit, inni sa'im li'annahu la ta'ama 'indakum. C'est comme s'il avait dit, je jeûne car vous n'avez rien à manger. Donc, le fa est très important. Et également, idhan. Idhan exprime également la cause. C'est pour ça qu'on a traduit cela par « alors, dans ce cas, je jeûne ». On aurait pu dire également « alors, par conséquent, je jeûne ». Ils ont dit que ce qui appuyait ce sens-là est qu'il y a plusieurs sahaba qui débutaient le siyam pendant la journée. C'est le cas, par exemple, d'Abu Talha, de Hudayfa, d'Ibn Mas'ud, d'Anas et d'autres également. Donc, ils ont dit que le sahaba commençait le siyam pendant la journée. Et cet avis-là est l'avis qu'a choisi Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Et d'autres savants comme l'imam Malik, Daoud, Ibn Hazm, San'ani et d'autres ont dit qu'il fallait placer sa niya pendant la nuit en ce qui concerne un siyam non obligatoire également. Ils se sont basés sur la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon leur intention. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbil. Ils ont répondu au hadith de Aïcha en disant qu'en fait, eh bien, le prophète, alayhi salatu wasalam, kana sa'iman fa arada an yuftir. Ils ont dit qu'en fait, le prophète, alayhi salatu wasalam, était saïm, il était en train de jeûner. Donc il avait déjà placé la niya pendant la nuit et il avait eu l'intention de rompre son siyam. Ils se sont basés sur une version rapportée par l'imam Ahmed où le Nabi alayhi salatu wa salam kana ya'tiha wa huwa saïm. Donc dans cette version-là, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam se rendait auprès de Aïcha wa huwa saïm alors qu'il était en train de jeûner, alors qu'il était en état de jeûne. Donc ils se sont basés sur cette version-là pour dire qu'il était déjà en train de jeûner et qu'il a voulu rompre le siyam. Mais Cheikh Mohammed bin Hizam a expliqué que cette partie-là du hadith n'était pas authentique. Cet ajout-là, wa huwa sa'im, alors que le prophète jeûnait, n'est pas authentique. Cette partie du hadith a été rapportée par quatre rapporteurs. Or, il y a à peu près 13 rapporteurs qui n'ont pas mentionné cette partie du hadith. Donc, fi mustalah al-hadith, dans la science du hadith, on dit que hadith ziyada laysat mahfouda. Cet ajout-là n'est pas accepté. Donc, à partir de là, on ne peut pas se baser sur cette partie du hadith qui n'est pas authentique pour dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, jeûnait déjà lorsqu'il se rendait chez Aïcha et qu'il a voulu rompre le siyam. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important. Cheikh Mohammed a fait un gros travail de tahqiq car cela est très important. Sachez que tous les ahkam, que tous les jugements dépendent de l'authenticité des hadiths. C'est pour ça que Ahl Sunna wal Jama'a accorde beaucoup d'importance à la science du hadith, au tahqiq des hadiths, au degré d'authenticité des hadiths. Et donc, Ahl Sunna font beaucoup d'efforts dans cette science-là. C'est le cas, entre autres, de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Cheikh Yahya nous a dit dans un de ses douros qu'on avait confié les clés d'une mektaba à Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Donc, il devait s'occuper d'une mektaba. Et parfois, eh bien, il avait une échelle, il montait sur cette échelle-là, il prenait un livre et il commençait à lire ce livre-là en haut de l'échelle. Et il était tellement plongé, absorbé par son livre qu'il restait des minutes, voire des heures sur son échelle. Mais regardez le gros travail d'authentification des hadiths qu'il a fourni pour la Ummah. Il a fait un gros travail, que ce soit Silsila al-Da'ifa ou Silsila al-Sahiha, où il a regroupé les hadiths authentiques, les hadiths da'if. Et maintenant, tous les gens se servent du travail de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Dans la plupart des livres, on trouve hadith authentifié par Cheikh Al-Albani ou hadith considéré faible par Cheikh Al-Albani. On pourrait citer également le travail qu'a fait Cheikh Mouqbel, rahmatullah alayh, qui a fait un énorme travail pour défendre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. On a cité cela pour dire que les ahkam, les jugements, dépendaient de l'authentification des hadiths, du degré d'authenticité des hadiths. Donc cela est très important. Et Cheikh Mohammed bin Hizam a fait également un gros travail dans son commentaire Fath al-Allam. Donc, comme on l'a dit, eh bien, l'avis le plus juste est qu'il est permis de placer sa niya pendant la journée en ce qui concerne un siyam non obligatoire. Il n'est pas obligatoire de placer sa niya pendant la nuit en ce qui concerne un siyam non obligatoire. Et il n'y a aucune contradiction avec le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, innama al-a'malu binniyat, puisque la personne obtiendra la récompense à partir du moment où elle a placé sa niya, son intention. Si par exemple elle débute son siyam à 9h, eh bien elle sera rétribuée, récompensée à partir du 9h du matin. Bien sûr, comme on l'a dit, à condition de n'avoir rien mangé ni bu jusqu'à 9h. Donc voilà l'avis le plus juste. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, et également Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante est, faut-il une niya au début du mois de Ramadan ou bien une niya, une intention pour chaque jour accompli? La majorité des savants, parmi l'imam Ahmed, l'imam Shafi et Abu Hanifa et d'autres, est d'avis qu'il faut placer son intention pour chaque jour accompli. Car chaque jour est considéré comme une ibada indépendante, comme une adoration indépendante. Et d'autres savants, comme l'imam Malik, l'imam Ahmed dans une autre version et d'autres, sont d'avis qu'il suffit de placer sa niya, une niya au début du mois de Ramadan. Une niya suffit au début du mois de Ramadan, car le siyam, eh bien, est une seule et même ibada, c'est une seule et même adoration. Et cet avis-là est l'avis le plus juste, comme l'a cité Cheikh Mohamed bin Hizam. Ils se sont basés sur la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu binniyat. Donc ils ont dit que siyam wa ibada wahida. Le siyam est considéré comme une seule et même adoration. Donc une niya, une attention suffit au début du mois de Ramadan. La question suivante est, est-il permis de placer son intention pendant la journée d'accomplir le siyam le lendemain? On a vu qu'il fallait placer son intention pendant la nuit d'accomplir le siyam le lendemain. Est-il permis de placer son intention pendant la journée? La réponse est que cela est permis. Car le fait de placer sa niya, son intention pendant la journée, englobe le fait de la placer pendant la nuit. Voilà la vie le plus juste. La dernière question est, est-il permis de dire « c'est Asumu Radan, Inch'Allah » Est-il permis de dire « je vais jeûner demain, Inch'Allah » en ajoutant cette précision-là, Inch'Allah. Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas est le cas où la personne est déterminée à jeûner. Mais elle dit Inch'Allah pour demander l'aide d'Allah afin de l'aider à accomplir ce siyam-là. Car il peut y avoir des choses indépendantes de sa volonté qui vont l'empêcher de jeûner. Par exemple, la personne peut tomber malade. Donc elle dit Inch'Allah pour qu'Allah l'aide à accomplir ce siyam. Bien, dans ce cas-là, son siyam est valable. Le deuxième cas est le cas de la personne qui n'est pas déterminée. La personne doute. Elle dit « je vais jeûner demain, Inch'Allah ». Elle doute, mais elle doute en fait. Elle n'a aucune certitude. Eh bien, dans ce cas-là, son siyam n'est pas valable. Car pour que son siyam soit valable, eh bien, il faut que la personne soit résolue et déterminée à accomplir le siyam. Donc voilà pour ce dars qui traitait de la niya, de l'intention de jeûner. « Wa ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin ».